Chapitre 11. De la péripétie et de la reconnaissance. La péripétie est une révolution subite, produite nécessairement ou vraisemblablement par ce qui a précédé. Comme dans l'Édipe de Sophocle. On croyait apprendre à ce roi une heureuse nouvelle et le délivrer de ses frayeurs par rapport à sa mère en lui faisant connaître qui il était, et on a fait tout le contraire. De même dans l'Incé, ce jeune époux allait à la mort, Danaüs le suivait pour l'immoler. Et il se trouve, par une suite naturelle de ce qui a précédé, que c'est Danaüs qui meurt et l'Incé qui est sauvé. La reconnaissance est, comme le mot l'indique, un passage de l'ignorance à la connaissance qui produit l'amitié ou la haine entre les personnages destinés au bonheur ou au malheur. Les plus belles reconnaissances sont celles qui se font en même temps que la péripétie, comme dans Édipe. Il y a encore d'autres reconnaissances, celles des choses inanimées ou d'autres objets qui se rencontrent par hasard, comme il a été dit, ou celles des faits, lorsqu'il s'agit de savoir si c'est tel ou tel qui en est l'auteur. Mais celle de toutes qui convient le plus à une fable est celle des personnes, car c'est celle-là qui, jointe à la péripétie, produit la terreur ou la pitié, c'est-à-dire l'effet propre de la tragédie. C'est de celle-là encore que naît le bonheur ou le malheur des personnages. Puisque la reconnaissance tragique est celle des personnes, il s'ensuit qu'il y a la reconnaissance simple, quand l'un des personnages reconnaît l'autre dont il était connu, et la reconnaissance double, lorsque deux personnages, inconnus l'un à l'autre, se reconnaissent mutuellement, comme dans Iphigénie. Au reste, reconnaît sa sœur par la lettre qu'elle envoie, et il est reconnu d'elle par un autre moyen. Voilà des espèces de fables marquées par la péripétie et par la reconnaissance. On y enjoint une troisième, marquée par ce qu'on appelle catastrophe. On a défini la péripétie et la reconnaissance. La catastrophe est une action douloureuse ou destructive. Comme des meurtres exécutés aux yeux des spectateurs, des tourments cruels, des blessures ou autres accidents semblables.